Le renard, deuxième partie. Après le thé, la soirée fut très tranquille. Le jeune homme allait rarement au village. D'ordinaire, il lisait. C'était un grand liseur à 16 heures. C'est-à-dire que lorsqu'il commençait, il s'enfonçait dans sa lecture. Mais il n'était point très impatient de commencer. Souvent, il se promenait par les champs et le long des haies, seul dans les ténèbres de la nuit, rôdant avec un curieux instinct de l'obscurité et l'oreille dressée au bruit sauvage. Mais ce soir-là, il prit dans la bibliothèque de Banford un livre de Mainraid et s'assit, les genoux très écartés, et se plongea dans l'aventure. Ses cheveux, très longs, lui faisaient comme une épaisse casquette, raide de côté. Il était toujours en manche de chemise et penché en avant sous la lumière de la lampe. Genoux écartés, livre à la main, toute sa personne absorbée dans le travail un peu dur de la lecture, il donnait au petit salon de Banford un air de chantier. Elle y voyait un affront, car sur le plancher, elle avait étendu un tapis de turquie rouge. Le foyer avait d'élégantes briques vertes, sur le piano ouvert s'étalait la dernière musique de danse, elle jouait très bien, et sur les murs, des cygnes et des nénuphars, peintures de March. En outre, avec les bûches crépitant dans l'âtre, les épais rideaux tirés, les portes bien closes et les pins sifflant et frissonnant au vent, ce petit salon était confortable et gentil. Banford répugnait à voir là ce rude garçon, ses longues jambes, ses genoux kakis et ses manchettes de chemise de soldat boutonnées sur ses gros poignets rouges. De temps en temps, il tournait une page et, de temps en temps, donnait un rapide coup d'œil au feu. Il arrangeait les bûches, mais se replongeait dans sa lecture intense et solitaire. March, à l'extrémité de la table, travaillait au crochet nerveusement. Sa bouche était bizarrement pincée, les mèches de ses beaux cheveux noirs frisés un peu rebelles. Mais toute sa personne absente, comme à des milles de distance. Dans une sorte de demi-rêve, elle croyait entendre le renard chanter dans le vent, autour de la maison, chanter sauvagement, puis doucement, puis furieusement. De ses mains rouges mais bien faites, elle maniait lentement le blanc coton, très lentement, gauchement. Banford, sur sa chaise basse, essayait de lire aussi. Mais entre March et Henry, elle se sentait agitée. Elle remuait sans cesse, regardait alentour, écoutait le vent, jetait des coups d'œil furtifs sur ses deux compagnons. Oh, cette March assise, jambes croisées, sur une chaise droite et travaillant laborieusement. « Oh Dieu, comme j'ai mal aux yeux ce soir !» s'écria-t-elle. Le jeune homme leva sur elle son regard clair et vif, mais ne parla pas. « Vraiment, Jill ?» dit March d'une voix absente. Le garçon reprit sa lecture et Banford, par la force des choses, revint à son livre. Mais elle ne pouvait demeurer en repos. Après un instant, elle regarda March, et un sourire bizarre, un petit sourire presque méchant, apparut sur son maigre visage. « Un penny, Nell, » dit-elle soudain. March fit de grands yeux noirs effarés, et devint pâle comme sous le coup de la terreur. Elle avait écouté le renard chanter tendrement, si tendrement, dans sa promenade autour de la maison. « Quoi ? » dit-elle vaguement. « Un penny pour tes pensées, » dit Banford sarcastique, « ou deux pence, si elles sont si profondes que ça. » Le jeune homme, les yeux vifs et clairs, observait de dessous la lampe. « Oh !» fit March de sa voix lointaine, « qu'est-ce qu'il te prend de gaspiller tes sous ?»« Je ne les crois pas gaspillés, » riposta Banford. « Je ne pensais à rien, sauf à la manière dont le vent souffle. » dit March. Oh mon Dieu, répliqua Banford, j'aurais pu avoir moi-même des pensées aussi originales. Pour cette fois, j'ai peur, en vérité, d'avoir gaspillé mon argent. Eh bien, rien ne t'oblige de payer. Le jeune homme tout à coup rit. Les deux femmes le regardèrent. March, l'air un peu surpris, comme si elle avait oublié sa présence. « Comment ? Vous payez toujours en pareil cas ?»« Mais oui, » dit Bunford, « toujours. J'ai dû quelquefois donner à Nelly un shilling par semaine en hiver. En été, c'est beaucoup moins cher. »« Oh, oh, payer pour les pensées l'une de l'autre ?»« Oui, quand nous avons tout épuisé. » Il pouffa, le nez ridé, comme un petit chien, le rire délicieux, les yeux brillants. « C'est la première fois que j'entends une chose pareille. »« Je pense que vous l'entendriez assez souvent si vous demeuriez tout un hiver à Bailey-Farm, » dit Bunford d'une voix gémissante. « Vous vous ennuyez donc ?»« Et comment ?» dit Bunford. « Oh » fit-il gravement. « Mais pourquoi ? Qui ne s'ennuierait ?»« Je suis fâché de l'apprendre, » dit-il, grave toujours. « Vous comptiez donc vous amuser ici ?» Il la regarda longuement et gravement. « Mais, dit-il avec son sérieux comique et jeune, je m'y amuse assez bien. »« Tant mieux, » dit Bunford, et elle revint à son livre. En son peu de cheveux apparaissaient déjà beaucoup de fils gris, bien qu'elle n'eût pas encore 30 ans. Le garçon ne baissa pas les yeux sur son main raid. Il les dirigea sur March, qui, bouche pincée, besognait au crochet, les yeux béants et vagues. Elle avait une peau chaude, pâle et fine, et un nez délicat. Sa bouche plissée lui donnait l'air acariâtre. Mais le regard dur était en contradiction avec la curieuse arcade des sourcils noirs et l'ampleur des yeux, un regard d'effarement et de vague. De nouveau, elle écoutait le renard qui semblait s'être enfoncé très loin dans la nuit. Le garçon observait March en silence, les yeux ronds, très clairs et très attentifs. Bunford, se mordant les doigts d'irritation, le guettait. Il était là, parfaitement tranquille, entre clarté et pénombre, et absorbé dans son observation. March, soudain, leva ses grands yeux noirs de dessus son ouvrage et le vit. Elle sursauta en jetant une légère exclamation. « Le voilà » cria-t-elle involontairement, comme dans l'épouvante. Bunford regarda autour d'elle, surprise, redressée sur sa chaise. « Mon Dieu, que t'arrive-t-il, Nelly ?» Mais March, dont le visage se couvrait d'un rose délicat, détournait les yeux du côté de la porte. « Rien, rien, » dit-elle maussade. « Ne peut-on parler ?»« Oui, si tu parles sensément. Que voulais-tu dire ?»« Est-ce que je sais ?» cria March avec humeur. « Oh, Nelly, j'espère que tu ne vas pas devenir nerveuse. Je sens que je ne puis rien supporter. Qui avais-tu dans l'idée ? Était-ce Henry ?» cria la pauvre Bunford dans sa terreur. « Oui, je le suppose, » dit March laconiquement. Elle n'eût jamais avoué le renard. « Oh, mon Dieu, c'en est fait de mes nerfs pour ce soir !» gémit Bunford. À 9 heures, March apporta un plateau chargé de pain, de fromage et de thé. Henry avait confessé en être friand. Bunford but un verre de lait et mangea un peu de pain. Et bientôt, « Je vais me coucher, Nelly. Je suis tout en nerfs ce soir. Viens-tu ? » « Oui. » Dès que j'aurai remporté le plateau. Ne tarde pas alors, dit l'autre d'un ton chagrin. Bonne nuit, Henry. Vous prendrez garde au feu si vous montez le dernier. Oui, Miss Bunford, j'y veillerai, expliqua-t-il de sa manière rassurante. March alluma la bougie pour aller à la cuisine. Bunford prit son bougeoir et monta. Quand March revint auprès du feu, elle dit au garçon. « Je suppose que nous pouvons nous fier à vous pour éteindre le feu. » Elle était debout, la main sur la hanche, le genou plié, la tête détournée timidement, comme si elle ne pouvait le regarder. Et lui, le visage levé, l'observait. « Venez vous asseoir une minute, » dit-il doucement. « Non, je m'en vais. Jill attendra et sera bouleversée de ne pas me voir venir. »« Qu'est-ce qui vous a fait sursauter ainsi ce soir ?» demanda-t-il. Quand ai-je sursauté ? Riposta-t-elle en le regardant. Mais tout à l'heure, lorsque vous avez poussé ce cri. Oh, fit-elle, alors, eh bien, je pensais que le renard, c'était vous. Et son visage se rida en un bizarre sourire, à moitié ironique. Le renard? Pourquoi le renard? Fit-il doucement. Oui, un soir de l'été dernier, où j'étais dehors avec le fusil, j'ai vu le renard dans l'herbe, tout près de mon pied, les yeux levés sur moi. Je ne sais, mais je suppose qu'il m'a fait impression. De nouveau, elle détourna la tête et balança la jambe, en proie à une extrême timidité. « Et vous l'avez tué ?» demanda le garçon. « Non, j'étais si frappée de voir ses yeux fixés comme ça sur moi, et ensuite de le voir s'arrêter pour me regarder par-dessus l'épaule, avec un rire sur la figure. »« Un rire sur la figure ? » dit-il, riant aussi. « Il vous a donné la frousse, hein ?»« La frousse ? Non, cela m'a frappée, voilà tout. » « Et vous avez pensé que c'était moi le renard, hein ? » fit-il en riant, du même léger rire étrange et vif, tel un petit chien dont le nez se plisse. « Oui, je l'ai pensé un instant, » dit-elle. « Peut-être qu'il me trottait par la cervelle à mon insu. « Peut-être pensez-vous que je suis venue pour chaparder vos poules ou quelque chose ? » dit-il, riant toujours. Sans répondre, elle tourna vers lui la vague de ses grands yeux noirs. « C'est la première fois, dit-il, que l'on me prend pour un renard. Ne voulez-vous pas vous asseoir une minute ?» Sa voix était très douce et cajoleuse. « Non, j'y l'attends. » Toutefois, elle ne partait pas. Elle demeurait là, un pied un peu en arrière et la face détournée, en dehors du cercle de la lumière. « Mais ne répondrez-vous pas à ma question ? » dit-il d'une voix plus basse. « Je ne sais de quelle question vous voulez parler. »« Oui, vous le savez, avec ça que vous ne le savez pas. Il s'agit de notre mariage. »« Je ne répondrai pas à cette question-là, » fit-elle d'un ton net. « Non ?» Le rire bizarre, le jeune rire, de nouveau, lui rida le nez. « Parce que je suis le renard, c'est pour ça ?» Et de rire. Elle se tourna et le regarda, lentement, longuement. « Je ne voudrais pas que ça vous éloigne de moi, » dit-il. « Laissez-moi baisser la lampe et asseyez-vous une minute. » Il avança une main et soudain diminua la lumière. March était dans la pénombre, tout à fait comme une ombre immobile. Il se dressa silencieusement sur ses pieds, sur ses longues jambes. Et maintenant, la voix extraordinairement douce et insinuante, à peine imperceptible, « Vous resterez un moment, » dit-il, « rien qu'un moment. » Il lui mit la main sur l'épaule. Elle détourna la face. « Je suis sûre que vous ne me croyez pas vraiment le renard, » poursuivit-il, avec dans la voix la même douceur et un soupçon de rire, un rien de moquerie. « Le pensez-vous à présent ? » Il la tira doucement vers lui et, doucement, lui mit un baiser sur le cou. Elle frémit, trembla, et recula. Mais d'un bras jeune et fort, il la tenait, et de nouveau la baisa doucement sur le cou, car elle détournait le visage. « Ne répondrez-vous pas à ma question ? Ne répondrez-vous pas maintenant ?» murmurait la voix, tendrement, languissamment. Il essayait de l'attirer tout près pour la baiser au visage, et il mit un baiser sur la joue, doucement, près de l'oreille. À ce moment, la voix de Bonnefort retentit, maussade et bourrue. Et, au même moment, rapide comme l'éclair, il la baissa sur la bouche, brusquement. Elle jeta un étrange petit cri. « Vous répondrez, n'est-ce pas ? Vous répondrez ? » insista-t-il doucement. « Nelly ! Nelly ! Mais qu'est-ce que tu fais donc ?» La voix de Bonnefort arriva, des ténèbres extérieures, comme un faible cri. Mais il la tenait bien. Et, avec cette douceur, cette insistance intolérable, chuchotée. « Vous répondrez, n'est-ce pas ? Dites oui, dites oui !» March, qui sentait un feu la pénétrer et la consumer, incapable de résister, murmura. « Oui, oui, tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez, mais laissez-moi m'en aller, laissez-moi m'en aller, Jill m'appelle !»« Vous savez ce que vous avez promis ? » dit-il insidieusement. « Oui, oui, je sais !» Sa voix, tout à coup, s'éleva, stridente. « Oui, Jill, je viens !»« De saisissement, il la lâcha et elle monta aussitôt l'escalier. Le matin, au déjeuner, après qu'il eut fait le tour de la ferme, soigné les bêtes et pensé en lui-même qu'on mènerait ici une vie assez facile, il dit à Bamford. « Savez-vous quoi, Miss Bamford ?»« Quoi donc ?» dit la bonne, la nerveuse Bamford. Il regarda March qui se faisait une tartine de confiture. « Parlerai-je ? » lui demanda-t-il. Elle leva les yeux vers lui et son visage se couvrit de rose foncé. « À Jill ? » ?»« Oui, » dit-elle. « J'espère que vous n'irez pas bavarder par tout le village, voilà tout. » Et elle avala avec difficulté son pain rassis. « Qu'arrive-t-il ? » dit Bamford, levant de grands yeux fatigués, légèrement rougis. C'était une petite créature maigre, frêle, et ses cheveux, qui étaient minces et peu fournis, ballottés, en sorte que leurs mèches brunes et grises brimbalaient par son visage décharné. « Eh bien, que croyez-vous que ce soit ? » dit-il, avec le sourire de quelqu'un qui a un secret. « Comment pourrais-je le savoir ? » « Ne pouvez-vous deviner ? » insista-t-il, faisant des yeux vifs et souriant de satisfaction. « Je ne puis, et même je ne l'essaierai même pas. Nelly et moi, nous allons nous marier. » Bamford laissa tomber son couteau de ses doigts fluets, comme si elle ne devait plus jamais le reprendre pour manger. Elle ouvrit ses grands yeux rougis. « Vous quoi ? » s'écria-t-elle. « Nous allons nous marier, n'est-ce pas, Nelly ?» Et il se tourna vers March. « Vous le dites, en tout cas, » dit March laconiquement. Mais de nouveau une grande rougeur faisait voir qu'elle était au supplice. Elle non plus ne pouvait plus rien avaler. Bamford la regarda, comme un oiseau qui a été touché, un pauvre petit oiseau malade. Elle la regarda, ayant sur le visage son âme blessée. Elle regarda March, qui était toute rougeur. « Jamais !» s'exclama-t-elle désespérée. « C'est la pure vérité !» ajouta le garçon, heureux d'asséner la nouvelle sur la pauvre Bamford. Elle détourna la face. On eût dit que la vue de la nourriture sur la table lui soulevait le cœur. Elle resta un moment ainsi, comme défaillante. Puis, une main sur le bord de la nappe, elle se redressa. « Je ne le croirai jamais, Nelly » cria-t-elle. « C'est absolument impossible !» Sa voix plaintive, chagrine, avait un rien de colère et de désespoir. « Pourquoi ? Pourquoi ne le croiriez-vous pas ? » demanda le garçon, en mettant dans sa voix toute la douceur, tout le velouté de son impertinence. Bamford le regarda de ses yeux immenses et vagues, comme s'il était quelque animal de musée. « Oh ! » dit-elle languissamment, « parce qu'elle ne peut pas être si bête. Elle ne peut perdre à ce point le respect de soi-même. » Sa voix était froide et plaintive et traînante. « En quoi perdra-t-elle le respect de soi-même ? » Bamford, de derrière ses lunettes, attacha sur lui un regard fixe et vague. « Si même ce n'est pas déjà chose faite, » dit-elle. Il devint très rouge, vermillon, sous le regard lent et vague qui partait de derrière les lunettes. « Je ne comprends pas du tout, » dit-il. « C'est assez probable que vous ne compreniez pas. Je ne m'attendais pas à ce que vous compreniez, » dit Bamford, de ce ton doux et distant qui rendait ses paroles encore plus insultantes. Il était sur sa chaise, rigide, les yeux fixes, enflammés de colère, des yeux bleus dans une face écarlate. Il y avait une laideur sur son front. « Ma parole, elle ne sait pas ce qu'elle se mijote !» dit Bamford de sa voix plaintive, traînante, insultante. « En quoi ça vous regarde-t-il, après tout ?» dit le jeune homme dans un mouvement de rage. « Plus que vous, probablement !» répliqua-t-elle, geignarde et venimeuse. « Oh, vraiment ! Je ne comprends pas du tout !» lança-t-il. « Non, vous ne comprendriez pas !» répondit-elle, traînante. « En tout cas, » dit March, repoussant sa chaise et se levant bizarrement, « ça ne sert à rien de discuter là-dessus. » Elle saisit pain et théière et, à grands pas, disparut dans la cuisine. Bamford laissa ses doigts errer sur son front et le long de ses cheveux, comme quelqu'un qui rêve. Puis elle monta à l'étage. Henry demeura immobile et boudeur sur sa chaise, la face tournée vers le feu. March allait et venait, desservant la table. Mais Henry ne bougea pas, cloué par la colère. Il ne fit nulle attention à March. Elle avait recouvré son calme, son teint doux, uni d'une pâleur de crème. Mais la bouche restait pincée. Chaque fois qu'elle venait prendre les objets de la table, ses grands yeux étranges le regardaient à la dérobée, et c'était curiosité plus que toute autre chose. Cette perche de garçon, avec sa figure rouge et son air boudeur. Oui, voilà tout ce qu'il était. Il semblait aussi loin d'elle que si cette figure rouge eût été une mitre de cheminée sur un cottage de campagne. Et elle le regardait d'un air aussi détaché, aussi lointain. À la fin, il se leva et sortit avec le fusil. Il ne rentra qu'à l'heure du dîner, le diable encore sur le visage, mais les manières tout à fait polies. Nul ne dit rien de particulier. Ils étaient assis en triangle dans un éloignement obstiné. L'après-midi, il sortit de nouveau brusquement avec le fusil. Il revint à la nuit tombante, mais c'est à peine s'il ouvrit la bouche. Il était dans une colère folle, ayant le sentiment d'avoir été insulté. Bamford avait les yeux rouges. Il était visible qu'elle avait pleuré. Mais son attitude était plus distante et plus dédaigneuse que jamais. La façon dont elle détournait la tête au moindre mot qu'il disait, comme s'il eût été quelque vagabond ou quelque vulgaire intrus de cette espèce, rendait les yeux bleus du garçon presque noirs de fureur. Son visage paraissait plus boudeur, mais jamais il ne se départait de son ton poli s'il ouvrait la bouche pour parler. March semblait s'épanouir dans cette atmosphère. Elle figurait entre les deux antagonistes avec un mauvais sourire sur la face, jouissant fort de l'aventure. Il y avait même une sorte de satisfaction dans sa manière de travailler au crochet ce soir. Quand il fut couché, le jeune homme entendit les deux femmes causer et argumenter dans leur chambre. Il se mit sur son séant et tendit l'oreille, mais il ne put rien comprendre, c'était trop loin. Pourtant, il distinguait la plainte douce et longue de Bamford et le timbre plus profond de March. La nuit était tranquille, glacée. De grosses étoiles scintillaient au-dessus des pins. Il écoutait, écoutait. Au loin, le glapissement du renard auquel répondaient les aboiements des chiens des fermes. Mais ce n'était pas là ce qu'il voulait entendre, c'était ce que disaient les deux femmes. Il sortit furtivement du lit et se tint debout près de sa porte. Il n'entendit pas mieux. Avec des précautions infinies, il leva le loquet. Il mit un siècle à ouvrir. Puis, à pas furtifs, il sortit dans le corridor. Les vieilles planches de chêne lui gênaient la plante des pieds et craquaient d'une manière absurde. Il avança très doucement, pas à pas, en suivant la muraille, jusqu'à ce qu'il fût derrière leur porte. Là, retenant son souffle, il écouta. La voix de Bamford. « Non, je ne puis simplement supporter ça. Je serai morte au bout d'un mois. C'est ce qu'il voudrait, naturellement. Voilà son jeu, me voir au cimetière. » « Non, Nelly, si tu l'épouses, si tu fais une telle chose, tu ne resteras pas ici. Je ne pourrai vivre sous le même toit que lui, je ne le pourrai pas. »« Oh, l'odeur de ses habits me donne la nausée, et sa figure rouge me soulève le cœur, purement et simplement. Je ne puis avaler un morceau quand il est à table. Fallait-il que je sois bête de lui permettre de rester ? On ne devrait jamais essayer de faire une bonne action. Elle vous revient toujours en plein visage, comme un boomerang. » « Mais il n'a plus que 2 jours à rester, » dit March. « Oui, grâce au ciel. Et je sais que son seul but est de profiter de toi. Je sais que tout est là. Un propre à rien qui ne veut pas travailler et qui pense vivre à nos dépens. Mais il ne vivra pas au mien. Si tu es assez bête pour ça, c'est ton affaire. Mrs. Burgess l'a connu tout le temps qu'il était ici. Et le vieux, son grand-père, n'a jamais pu obtenir de lui la moindre besogne. À toute occasion, il partait avec le fusil, exactement comme il fait à présent. Le fusil, rien que le fusil. Oh, je déteste ça. Tu ne sais ce que tu fais, Nelly. Si tu ne sais, si tu l'épouses, il te tournera en bourrique, tout simplement. Il filera et te laissera dans le pétrin. Je sais qu'il le fera, s'il ne peut nous dépouiller de Bale Farm. Et moi vivante, il ne l'aura pas. Moi vivante, il ne remettra plus les pieds ici. Je vois assez ce qu'il arriverait. Il ne tarderait pas à se croire notre maître à toutes les deux, comme il s'imagine déjà être ton maître. Mais il ne l'est pas, dit Nelly. Il croit l'être, toujours, et c'est ce qu'il veut, venir commander ici. Je te demande un peu. C'est bien pour cela, n'est-ce pas, que nous avons pris cette ferme ensemble, pour être embêtés et insultés par un détestable gamin à trogne rouge, un brutal paysan? Oh, quelle faute nous avons commise de le recevoir ici! Nous n'aurions jamais dû nous abaisser ainsi. Et j'ai trop lutté avec les gens de l'endroit pour tomber à leur niveau. Non, il ne viendra pas ici. Et puis, tu comprends, s'il ne peut pas mettre le grappin sur la ferme, il s'en retournera au Canada, quelque part, comme s'il ne t'avait jamais connu. Et ici, tu seras absolument perdu de réputation, tu seras la risée des gens. Et moi, je sais bien, je n'aurai plus jamais la moindre tranquillité d'esprit. Nous lui dirons qu'il ne peut plus revenir, nous le lui dirons, dit March. Oh, ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais lui signifier cela, et d'autres choses encore, avant son départ. Il n'aura pas ses coups d'effrange tant que j'aurai la force de parler. « Oh, Nelly, il te méprisera, comme une sale petite bête qu'il est, si tu le laisses faire. Je ne me fierai pas plus à lui qu'à un chat. Un chat volera, de toute façon. Il a de mauvaises intentions, c'est sûr, et il veut toujours commander. Il est égoïste dans les moelles, aussi froid que la glace. Tout ce qu'il veut, c'est abuser de toi. Et quand tu ne lui seras plus de rien, alors je te plains. »« Je ne le crois pas si mauvais que ça, » dit March. « Non, parce qu'il t'a jeté de la poudre aux yeux. » Mais tu t'en apercevras quand tu le connaîtras mieux. Oh, je ne puis en supporter l'idée. Voyons, tu n'auras pas à en souffrir, chérie. Je n'en souffrirai pas. Je n'en souffrirai pas. Je n'aurai plus de ma vie un instant de paix, une minute de bonheur. Non, Nelly. Et Banford se mit à pleurer amèrement. Le garçon pouvait entendre le bruit étouffé des sanglots. Et la voix douce, profonde, la tendre voix de March qui, avec une douceur, une tendresse merveilleuse consolait celle qui pleurait. Il faisait des yeux si ronds, si énormes, qu'il semblait voir la nuit tout entière, et les oreilles lui sautaient presque de la tête. Il était glacé. Il regagna son lit, mais il sentait comme se détachait le haut de sa tête. Il ne pouvait dormir, il ne pouvait demeurer en repos. Il se leva, s'habilla tranquillement, et une fois de plus, sortit sur le palier. Les femmes ne parlaient plus. Doucement, il descendit et entra à la cuisine. Il mit ses souliers et son pardessus, empoigna le fusil. Son idée n'était pas de quitter la ferme. Non, mais il prit le fusil. Aussi doucement que possible, il ouvrit la porte et sortit dans la nuit glacée de décembre. L'air était calme, les étoiles brillantes, on croyait entendre les pins se hérisser dans le ciel. Furtivement, il s'éloigna, franchit une barrière, cherchant quelque chose à tuer. Mais aussitôt, il se dit qu'il ne devait pas tirer, que ça effraierait les femmes. Il erra donc autour des broussailles de genêt, et, à travers les grands vieux houx, il gagna la lisière du bois. Là, il longea la palissade, perçant les ténèbres avec ses yeux dilatés, qui semblaient capables de devenir noirs et phosphorescents dans l'obscurité, comme ceux d'un chat. Une chouette, lentement et lugubrement, ululait autour d'un grand chêne. Furtif, il avança, fusil en main, aux écoutes, aux aguets. Comme il était sous les chênes de la lisière du bois, il entendit les dogues du cottage voisin sur la colline aboyer tout à coup épouvantablement et les chiens des environs, réveillés, répondre par leurs abois. Et, soudain, il eut l'impression d'une Angleterre petite, étroite. Il sentit que le paysage était resserré, même dans les ténèbres, et que la nuit, recelée par trop de chiens, dont les hurlements érigeaient une barrière de bruit, comme le réseau des haies anglaises découpe le paysage en petits morceaux. il sentit que le renard était perdu, car ce devait être le renard qui soulevait ce Urvari. Eh bien, pourquoi ne pas le guetter? Il viendrait sûrement flairer par là. Le garçon descendit jusque là où la ferme était tapie dans un bouquet de pins. Il s'installa dans l'angle du long hangar, dans l'encre de l'obscurité. Il savait que le renard viendrait, le dernier vraisemblablement de cette Angleterre aboyante, pleine à craquer d'innombrables maisonnettes. Il demeura longtemps, les yeux fixés sur le portail ouvert, où un peu de lumière semblait tomber des étoiles ou de l'horizon, qui sait. Il était assis sur une bûche, dans un coin sombre, fusil entre les genoux. Les pins craquaient. Une fois une poule tomba de son juc. Et ce furent des cris, des gloussements, un émoi dont il fut effrayé. Et il se leva, guettant de tous ses yeux, pensant que ce pouvait être un rat. Mais il comprit que ce n'était rien. Il se rassit donc, le fusil entre les genoux, les mains au chaud, les yeux rivés sur la pâleur du portail ouvert. Il lui semblait aspirer dans l'air froid l'odeur forte, nauséabonde des poules vivantes. Et alors une ombre glissant dans le portail. Il concentra toute son attention et il vit l'ombre du renard qui avançait en rampant. Il allait sur le ventre, tel un serpent. Le garçon se sourit à lui-même et épaula le fusil. Il savait au mieux ce qui allait se passer. Il savait que le renard irait flairer aux planches de la porte du poulailler. Il savait qu'il y demeurerait une minute à flairer les poules, puis se remettrait à rôder autour de la vieille grange pour trouver une issue. La porte du poulailler était au haut d'une légère pente. Léger, léger comme une ombre, le renard glissa sur cette pente et se tapit, le nez contre les planches. Et, au même instant, il y eut un horrible fracas qui se répercuta entre les vieilles bâtisses comme si la nuit tout entière éclatait. Mais le garçon guettait attentivement. Il vit le ventre blanc du renard. La bête étirait ses pattes dans les convulsions de la mort. Alors il s'approcha. Ce fut un émoi universel. Les poules caquetaient, les canards poussaient leur coin-coin, le poney avait frappé furieusement du sabot. Mais le renard luttait, sur le flanc, dans les derniers spasmes de l'agonie. Le garçon se pencha au-dessus de lui et sentit son odeur de renard. Une fenêtre s'ouvrit à l'étage, puis la voix de March cria. « Qui est-ce ? » « Moi, » dit Henry, « j'ai tué le renard. »« Bonté divine, vous nous avez fait une peur mortelle. »« Vraiment ? J'en suis bien fâché. Pourquoi vous êtes-vous levé ? » Je l'entendais par là autour. Et vous l'avez tué? Oui, le voici. Et il souleva la bête encore chaude. Le voyez-vous? Une minute. Il tira son briquet de sa poche et l'alluma sur le cadavre qu'il tenait par la queue. March vit dans les ténèbres le pelage rougeâtre, le ventre clair, le dessous blanc du museau pointu et les pattes qui s'agitaient bizarrement. Elle ne sut que dire. « Il est magnifique. Une splendide fourrure pour vous. »« Vous ne me voyez pas avec une fourrure de renard, » répliqua-t-elle. « Oh » fit-il, et il éteignit le briquet. « Eh bien, j'imagine que vous allez rentrer vous coucher maintenant ?»« Probable. Quelle heure est-il »« Quelle heure, Jill ?» cria la voix de March. Il était 1h15. Cette nuit-là, March eut un autre rêve. Elle rêva que Banford était morte et qu'elle, March, sanglotait de toute son âme. Puis il fallait mettre Banford au cercueil, et le cercueil était la grossière caisse où l'on tenait les copeaux à la cuisine, près du feu. C'était là le cercueil, il n'y en avait point d'autre, et March était au désespoir. Elle cherchait de quoi capitonner la caisse, de quoi la rendre moelleuse, de quoi couvrir sa pauvre morte chérie. Car elle ne pouvait l'étendre là, tout uniment, vêtue de son blanc et mince costume de nuit, dans cette horrible caisse. Donc elle cherchait, cherchait, prenait une chose après une autre, qu'elle rejetait en son désespoir de rêve. Et tout ce qu'elle parvenait à trouver était une peau de renard. Elle savait que cela n'irait pas, il faudrait autre chose. Mais c'était tout ce qu'elle pouvait dénicher. Alors elle pliait la queue du renard et posait dessus la tête de la chère Jill et ramenait le pelage sur le haut du cadavre en sorte que cela semblait faire toute une couverture rouge, une couverture de feu, et March pleurait, pleurait. Et elle se réveilla, le visage ruisselant de larmes. Le matin, leur premier soin à toutes deux fut d'aller voir le renard. Henry l'avait suspendu par les pattes dans le hangar, la pauvre queue retombant. C'était un magnifique renard, en effet, tout jeune, avec son manteau d'hiver, moelleux, superbe. Une exquise couleur rouge or, grise près du ventre blanc, une grande queue touffue qui se terminait par du noir, du gris et par un blanc très pur. « Le pauvre, » dit Bunford, « s'il n'était pas un pareil voleur, on sentirait de la pitié pour lui. » March ne dit rien, mais restait là, déhanchée, les pieds écartés. Son visage était pâle, ses yeux grands et noirs braqués sur le pendu. Ce ventre blanc et doux comme la neige, blanc et doux comme la neige. Elle passa doucement la main sur ce corps de haut en bas, et cette queue merveilleuse, noire, luisante, touffue, rêche, admirable. Elle la toucha aussi et frissonna. À fois réitérée, elle prit entre ses doigts l'épaisse fourrure de cette queue, y passa lentement la main en descendant. Douceur merveilleuse, et le renard était mort. Elle pinça les lèvres et ses yeux devinrent sombres et distraits. Puis, en sa main, elle prit la tête. Comme Henry s'approchait, Bunford quitta la place d'un air significatif. March rêvassait, tenait toujours la tête du renard. Elle admirait, étonnée, ce long et fin museau qu'elle comparait à une cuillère ou à une spatule. Bête étrange, vraiment, bête incompréhensible. Les admirables favoris argentés, pareils à des fils de glace. Et ses oreilles pointues, velues à l'intérieur. Mais, oh, ce nez allongé comme une cuillère fragile. Et dessous, l'éclatante blancheur des dents. Il les avançait et les plantait profondément dans la proie vivante et mordait, mordait jusqu'au sang. « Il est beau, n'est-ce pas ?» dit Henry près d'elle. « Oh oui, » répondit-elle, « un grand et beau renard. Qui sait combien de poules il a volé ? Un bon tas. Croyez-vous que ce soit le même que vous avez vu cet été ? Oui, probablement. » Il l'observait, mais elle était impénétrable. D'une part si timide et si virginale, et de l'autre si maussade, si positive, si acariâtre. Ses paroles semblaient si peu en rapport avec le regard étrange de ses grands yeux noirs. « Allez-vous l'écorcher ? » demanda-t-elle. « Oui, après le déjeuner, et quand j'aurai trouvé une planche où le fixer. Ma parole, quelle odeur il dégage ! Pouah, il va falloir joliment se laver les mains, que j'ai été bête de toucher ça !» Et elle considérait sa main droite qui avait caressé le ventre et la queue du renard et qui gardait même un mince filet de sang d'avoir touché une place noire de la fourrure. « Avez-vous vu les poules quand elles le sentent, comme elles sont épouvantées ? » dit-il. « Oui, elles ont une peur. Attention de ne pas attraper quelques-unes de ces puces. »« Oh, des puces !» fit-elle nonchalamment. Plus tard, dans la journée, elle vit la peau du renard clouée sur une planche, comme crucifiée. Elle en éprouva du malaise. Le garçon était fâché. Il allait et venait, bouche close, comme s'il avait avalé une partie de son menton. Mais dans sa conduite, polie et affable, il ne parla pas de ses intentions et il laissait March tranquille. Ce soir-là, on s'installa dans la salle à manger. Bunford ne pouvait plus le souffrir au salon. Une très grosse bûche flambait dans l'âtre et chacun était occupé. Bunford avait des lettres à écrire. March cousait une robe et lui vaquait à quelques réparations. Bunford, de temps en temps, s'arrêtait d'écrire pour regarder autour d'elle et reposer ses yeux. Le garçon penchait la tête, le visage courbé sur son ouvrage. « Voyons, » dit Bamford, « par quel train partez-vous, Henry ?» Il lui planta les yeux dans les yeux. « Celui du matin. »« Lequel ? 8h10 ou 11h20 ?»« 11h20, je pense. »« C'est pour après-demain ?»« Après-demain, oui. »« murmura Bamford et elle reprit sa lettre. » Mais en la fermant, « Et quels sont vos projets d'avenir, si je ne suis pas trop curieuse ?»« Mes projets ?» dit-il, le visage animé, furieux. « Je veux dire au sujet de Nelly et de vous, si vous n'avez pas changé d'idée. À quand le mariage ?» Elle avait le ton railleur. « Oh, le mariage » répliqua-t-il, « je n'en sais rien. »« Vous n'en savez rien. Allez-vous filer vendredi et laisser les choses pas plus arrangées que ça ?» « Eh bien, pourquoi pas? On peut toujours s'écrire. »« Oui, naturellement, vous le pouvez. Mais je voudrais être renseignée à cause de la ferme. Si Nelly se marie comme ça, de but en blanc, j'aurai à me chercher une autre associée. »« Ne pourrait-elle demeurer ici une fois mariée ?» dit-il. Il savait très bien ce qui allait venir. « Oh, dit Bamford, cette maison n'est pas pour des gens mariés. Il n'y a point assez de travail pour occuper un homme, d'abord. » Et il n'y a point d'argent à gagner. Il est tout à fait inutile, si vous vous mariez, de songer à demeurer ici, absolument. Oh, quant à moi, je n'y songe guère. C'est précisément ce que je voulais savoir. Et Nelly, qu'en faites-vous? Combien de temps va-t-elle être ici, avec moi, dans ce cas? Les deux adversaires se dévisageaient. Ça, je ne puis le dire, répondit-il. Allons, voyons, cria-t-elle avec impatience. On doit avoir une idée de ce qu'on fera lorsqu'on demande une femme en mariage, à moins que tout ne soit de la blague. Pourquoi de la blague? Je retournerai au Canada. Et vous l'emmenez? Certainement. Tu entends, Nelly? March, qui jusqu'alors était penchée sur sa couture, leva les yeux. Elle avait le visage couvert de rougeur, et dans son regard et sur sa bouche tordue, un rire bizarre, sardonique. « C'est la première fois que j'entends que je vais partir pour le Canada, » fit-elle. « Et il fallait bien que vous l'entendiez une fois, » dit le garçon. « Oui, je suppose, » admit-elle nonchalamment. Et elle se remit à coudre. « Tu es bien prête, n'est-ce pas, à aller au Canada, hein, Nelly ?» demanda Bamford. March de nouveau leva les yeux. Elle laissa ses épaules retomber, et la main qui tenait l'aiguille reposait sur ses genoux. « Ça dépend de quelle façon j'irai, » dit-elle. « Sera-ce pressée sur l'entrepont, comme une femme de soldat? Ça ne me chante pas du tout. » Le garçon levait sur elle toute la vie de ses yeux. « Aimeriez-vous mieux rester ici, pendant que j'irai le premier ?»« Oui, s'il n'y a pas d'autre moyen. » « C'est de beaucoup ce qui serait le plus sage, » dit Bamford. « Ne prends aucun engagement. » « Reste libre de partir ou non lorsqu'il reviendra, et t'auras trouvé un gîte, Nelly. Tout le reste est folie, folie pure. »« Ne pensez-vous pas, dit-il, que nous devrions nous marier avant mon départ et ensuite partir ensemble ou séparément, selon les circonstances ?»« Je pense que c'est là une idée terrible, » s'écria Bamford, mais c'était Nelly qui l'observait. « Quelle est votre opinion ? » lui demanda-t-il. Elle laissait ses yeux vaguer dans l'espace. « Ah, je ne sais, » fit-elle. « Pourquoi ? » ?»« Pourquoi ?» Elle répéta la question d'un ton moqueur et le regarda en riant, bien que son visage fût devenu rouge. « Pourquoi ? » ?»« Je dirais qu'il y a des tas de raisons. » Il la considérait en silence. Elle semblait lui avoir échappé. Elle avait conspiré avec Bamford contre lui. Elle avait de nouveau son air sardonique. Elle raillait pareillement tout ce qu'il disait, tout ce qu'il proposait. « Naturellement, dit-il, je ne veux pas vous presser de faire ce qui vous déplaît. Il ne manquerait plus que ça !» cria Bamford avec indignation. À l'heure de monter se coucher, Bamford dit à March plaintivement. « Prends ma bouillotte, veux-tu, Nelly ?»« Mais oui !» dit March, avec l'espèce de mauvaise humeur qu'elle affectait si souvent à l'égard de sa bien-aimée mais indécise Jill. Elles montèrent. Au bout d'un instant, March cria du haut de l'escalier. « Bonne nuit, Henry. Je ne redescendrai pas. Vous éteindrez la lampe et le feu, voulez-vous ?» Le lendemain, Henry allait le front assombri d'un nuage et sa face de jeune ourson hermétiquement close. Il ruminait. Il avait voulu que March l'épousât et le suivît au Canada. Et il était si sûr qu'elle le ferait. Pourquoi la voulait-il ? Il ne le savait guère, mais il la voulait. Il avait jeté son dévolu sur cette femme, et, d'être contrarié, cela le mettait dans une rage d'adolescent. Contrarié. Cela soulevait en lui une si furieuse tempête qu'il ne savait que faire de lui. Mais il se contenait, parce que, même à cette heure, les choses pouvaient tourner autrement. March pouvait lui revenir, elle le pouvait, tiens, c'était dans son intérêt. Les choses redevinrent tendues aux approches du soir. Henry et Bunford s'étaient, tout le jour, évités. En fait, Bunford se rendit à la petite ville par le train de 11h20. C'était jour de marché. Elle rentra par celui de 4h25. Comme la nuit tombait, Henry vit sa fluette personne serrée dans un manteau bleu foncé et coiffée d'un béret de même couleur, traverser la première prairie en partant de la gare. Il était debout sous un des poiriers sauvages, les pieds cachés dans les feuilles mortes. Il observait la petite personne bleue avançant par la rude prairie que l'hiver déjà ravageait. Elle avait les bras encombrés de paquets et avançait lentement, toute frêle, mais avec cette diabolique résolution qu'il détestait si fort en elle. Il était invisible sous le poirier, attentif à chacun des pas de la voyageuse. Ah, s'il avait suffi de simples regards, elle aurait senti une masse de fer sur chacune de ses chevilles. « Vous êtes une sale petite chose, voilà ce que vous êtes !» prononçait-il doucement à travers l'espace. « Une sale chose. J'espère que vous me paierez tout le mal que vous m'avez fait sans raison. Ah, je l'espère bien, petite saleté. Oui, j'espère que vous aurez votre compte. Oui, si les vœux ne sont pas faits pour des prunes, répugnantes créatures que vous êtes. » Elle montait la pente, lentement, avec peine. Mais quand, à chaque pas, elle aurait glissé vers l'abîme insondable, il ne fut point allé diminuer le poids de ses paquets. Ah ah, voici March à grandes enjambées, avec ses culottes et son veston à ceinture. La voilà qui descend rapidement, qui court même un peu par-ci par-là, en sa grande sollicitude, en son désir de porter secours à la petite Bunford. Le garçon l'observait, la rage au cœur. La voir sauter dans un fossé et courir, dirait-on pas qu'il y a le feu à la maison, vers ce reptile, vers ce noir petit objet là-bas? Et voilà, naturellement, tiens, Bunford qui s'arrête et attend. Et March arrive et prend tous les paquets, tous, à l'exception d'une gerbe de chrysanthèmes jaunes. Et maintenant, tout ce que porte la Bunford, c'est des chrysanthèmes jaunes. « Ah, ça vous va bien, » prononçait-il doucement dans le crépuscule. « Ça vous va joliment bien de faire la mijaurée avec un bouquet de fleurs. Ah oui, je vous les ferai bouffer pour votre thé, si vous ne les aimez tant que ça. » Il y en aurait encore pour votre déjeuner. Ah, mais des fleurs, voilà ce que je vous servirai, rien que des fleurs. » Il observait la marche des deux femmes. Il pouvait entendre leur voix. March haussant le ton et même un peu grondeuse en sa tendresse. Bunford murmurant à peine. Elles étaient bonnes amies, cela sautait aux yeux. Il ne comprit ce qu'elles disaient que lorsqu'elles furent à la barrière de leur domaine qu'il fallait escalader. Il vit March grimper comme un homme par-dessus les perches, les bras pleins de paquets, et par le calme de l'air, il discerna la voix chagrine de Bunford. « Pourquoi ne me laisses-tu pas t'aider à porter ces paquets ?» Il y avait dans cette voix une insistance bizarre, plaintive. À quoi March, d'un ton robuste et indifférent, « Oh, je puis faire toute seule, ne te tracasse pas pour moi. Tu as assez de mal à te hisser. » « Oui, c'est bel et bon. » fit la querelleuse Bunford. « Ne te tracasse pas, et puis en attendant, tu te sens offensée de ce que personne ne pense à toi. »« Quand est-ce que je me sens offensée ?»« Toujours, c'est toujours que tu te sens offensée. Maintenant, c'est parce que je ne veux pas que ce garçon vienne vivre chez nous. Je ne me sens pas offensée du tout. »« Oh, je sais que tu l'es. Lorsqu'il aura décampé, tu bouderas. Je sais que tu bouderas. Vraiment? Nous verrons. Oui, nous verrons, malheureusement. Je ne comprends pas que tu t'abaisses à ce point. Je ne puis imaginer que tu t'avilisses ainsi. Je ne me suis pas avili. Alors je ne sais de quel nom tu appelles cela. Laisser un gamin montrer tant d'effronterie, tant d'impudence à ton égard, se payer ta tête comme il fait. Je ne sais pour qui tu te prends. Quel respect veux-tu qu'il ait pour toi après la noce? Ma parole, je ne voudrais pas être dans tes souliers si tu l'épouses. Je crois bien, mes souliers sont trop grands pour ta pointure et pas assez élégants de moitié. Riposta March, qui en fut pour sa raillerie. Je te prêtais trop d'amour-propre, réellement. Une femme doit garder beaucoup de réserves, surtout avec un individu de cette sorte. Voyons, c'est un impudent. Déjà, la matière dont il s'est imposé à nous au commencement. C'est nous qui lui avons offert de rester. Pas avant qu'il nous ait presque forcé la main. Et puis, il est si important, il a si haute opinion de lui. Ma parole, il me va sur les nerfs. Franchement, je ne comprends pas que tu lui permettes de te marcher ainsi sur les pieds. Je ne lui permets pas de me marcher sur les pieds, riposta March. Ne te tourmente pas, personne ne me marchera sur les pieds. Pas même toi, tu sais. Sa voix avait un accent de tendresse méfiante et un peu d'irritation. Oui, c'est moi qui endosse, bien sûr, dit Bonnefort amèrement. C'est toujours ainsi que ça finit. Je crois que tout ça, c'est pour me faire enrager. Elle gravissait maintenant, sans parler, la raide pente herbue, et, parvenue au haut, elles allaient par les buissons de genêt. De l'autre côté de la haie, le garçon suivait dans la pénombre, à quelque distance. De temps en temps, à travers la grande haie d'aubépine, haute comme des arbres, il apercevait les deux silhouettes montant la colline. Quand il fut au sommet de la pente, il vit la maison toute noire dans le crépuscule, avec l'immense et vieux poirier penché sur le pignon voisin et une petite lumière jaune scintillant aux fenêtres de la cuisine. Il entendit le bruit du loquet et vit la porte s'ouvrir dans la clarté lorsque les deux femmes entrèrent. Elles étaient donc au logis. Ah, c'était comme ça. Voilà donc ce qu'elle pensait de lui. Il était assez dans sa nature d'écouter, aussi rien de ce qu'il pouvait entendre ne l'étonnait. Les choses que les gens disaient de lui, il s'en battait l'œil. Ce qui le surprenait, plutôt, c'était la façon dont ces deux femmes le traitaient. Et il détestait Bonnefort, d'une détestation acide. Mais il se sentait attiré de nouveau vers March, attiré irrésistiblement. Il sentait qu'entre elle et lui, il y avait un invisible lien, un fil mystérieux, quelque chose d'exclusif, qui écartait toute autre personne et les faisait, elle et lui, se posséder l'un l'autre en secret. Et de nouveau, il espéra qu'elle l'épouserait. De tout son sang, soudain enflammé, il espéra qu'elle consentirait à l'épouser dans le plus bref délai. À Noël, très probablement. Noël n'était pas très éloigné. Il voulait, quoi qu'il arrivât, l'amener à un mariage rapide. Quant à l'avenir, on verrait plus tard. Mais il espérait qu'il en arriverait comme il souhaitait. Il espérait que, ce soir, elle resterait un moment avec lui, après que Bonnefort serait monté. Il espérait pouvoir toucher sa douce joue de lait, son étrange face apeurée. Il espérait pouvoir regarder au fond de ses grands yeux noirs, épouvantés. Il espérait mettre la main sur sa poitrine et sentir ses doux seins sur la tunique. À cette pensée, il éprouvait au cœur un martèlement puissant. Avec force, il voulait ainsi faire. Il tâterait sous la tunique ses doux seins de femme. Elle boutonnait toujours sa veste brune jusqu'au cou, si étroitement. Cela lui apparaissait comme un secret dangereux que ses doux seins de femme dussent être serrés ainsi dans cet uniforme. Il lui semblait, en outre, qu'ils étaient bien plus doux, plus tendres, plus adorables, enfermés dans cette tunique, que les seins de Bonnefort sous ses blouses. « Cette Bonnefort doit en avoir de tout petit, en fer !» se disait-il. Oui, en dépit de sa fragilité, de sa maussaderie et de sa délicatesse, elle doit avoir de minuscules seins de fer. Mais March, sous sa tunique informe et solide d'ouvrier, doit en avoir de doux, de blancs, blancs et invisibles. Ainsi se disait-il, et son sang bouillait.